Hakanen, assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani, Karin, du så som Mekanin, assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani, Karin, du så som Mekanin, assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani, Karin, du så som Mekanin, assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani, Karin. Jag svarar på lulär, på det kunde spår, vad jag spöm, en nyckla är jag ölde fanns med särter, puss, en ägar vad det sker, tackar vart balans, bara ta Systemet, kaikki plitsil, dick goes Mek, skone tak goes, le champion da goes Continue, react goes, et au beat, je pose Red des putains de manga, j'ai acclimaté A tout brûler, des brûlants à flingue Bon, j'fais le plein, mais c'est officiel Cave de crack fumé, j'aime pas les gammes Et assassiner mon arme, et les verrous, j'vais la fumer Mec, j'fais les choses, après, mes esprits C'est le drapeau noir à visser, change de direction Grâce à ma section, dans la direction Sens de ma vie, c'est change de direction I don't cause a mistake, so don't flash your eyes. Assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani, Karin, du så som Mekanin Assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani, Karin, du så som Mekanin Assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani, Karin, du så som Mekanin Assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani, Karin J'ai pas d'autre but dans la vie que le rap L'alcool c'est le but que je mate Là Et on m'a ta film comme écoute que pour se valer Puis comme si comme moi on n'a pas de meuf à tirer On descend dans la rue comme dans un rêve Un cybergame elle t'éclaire J'suis comme chez moi j'fais plusieurs toits avec ma clé Au cas où quiconque viendrait avec mes schizophrénies Ça fout déjà du monde à gérer Dédicace à mes humeurs aux hueurs en sombre lueur L'école des vides de mon tempérament la racine La colle sur le bide, le sperme, l'air maligne Cerveau tué, on veut violer Le cerveau court-circuité, cervelle cuisinée Une autre façon de communiquer Tirer vers le milieu, sa mère Force de tirer par l'eau on devient montant L'air. On met un shining, puis on passe en hiver Faites de couchards, pas pétasse que les connards Casseurs, gros en masse de population Tous défoncés, sous acide comme le plastique fumé en fond Si t'es chaîneux, qu'on tape par la fenêtre à Kikagolo C'est un poteau, avec des battes, des claques aux bottes On fait des poteaux, joue des claquettes Coup de barre dans la tête, atmosphère tronçonneuse Ambiance, manque d'oxygène, pas besoin de buzz Si personne se gêne, quelquefois je vois le fantôme De mon enfance raté, ce con est calé Entre la cagoule et le bon pour taguer C'est râpé, c'est cramé, c'est foutu Crucifix à l'envers, l'endroit sur le côté Ici c'est mal foutu, ici c'est raté Ici c'est athée, fait tous éclater Au cruciforme à la main de taré Si t'as un chagrin d'amour, y'a plein de tueurs à cramer Du sang de drogue et de taré, ouais Et y'a pas d'heure, viens chez moi, je suis un cambrioleur Cabriolet avec les fleurs Du mal à tenir notre teneur Fuck les gros dealers, les entrepreneurs Fuck Tony Montana Le fric, on veut pas de ça Ok Ok, yeah! Ha ha ha! Assassin som Dasen, Dosplin, Jawani Karin, du så som Mekanin Assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani Karin, du så som Mekanin Assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani Karin, du så som Mekanin Assassin som är Dasen, Dosplin, Jawani Karin Karin, Assassin, Dasen, Dosplin, Jawani